Rester se dit bleiben, bleiben. On a là le même son ei comme quand on se fait mal ei que dans sein, être. Donc bleiben qui s'écrit B-L-E-I-B-E-N, bleiben, c'est rester. Comment diriez-vous nous restons? Wir bleiben. Wir bleiben. Et quel était le mot pour ici? Hier. Hier. Hier. Hier. Bien. Hier qui s'écrit H-I-E-R. Donc, nous restons ici se dira Wir bleiben hier. Bien. Wir bleiben hier. Et nous restons ici aujourd'hui? En allemand, on dira aujourd'hui ici, avec l'indication de temps avant celle de lieu. Wir bleiben heute hier. Bien. Wir bleiben heute hier. Et nous restons ici ce soir. Nous restons... Wir bleiben... Wir bleiben, nous restons, ce soir, c'est-à-dire aujourd'hui soir, toujours le temps avant le lieu, donc wir bleiben... Wir bleiben heute Abend hier. Wir bleiben heute Abend hier. Bien, et comment direz-vous vous restez? Sie bleiben. Sie bleiben. Et si vous vouliez poser la question restez-vous, est-ce que vous restez? Bleiben Sie? Bleiben Sie? Donc, bleiben Sie veut dire restez-vous? Comme en français, il suffit d'inverser les deux mots. Comment répondrez-vous je reste ici ce soir? Ich bleibe, bleibe, oui. Donc avec je, pour la plupart des verbes, il suffit d'enlever le n final de l'infinitif. Donc, ich bleibe, ce soir, ici. Heute Abend, hier. Ich bleibe, heute Abend, hier. Aller se dit gehen. G-E-H-E-N. Gehen. À vous. Comment dit-on aller? Gehen. Bien. Gehen. Voir se dit... Sein. Sein veut dire être. Voir, c'est comme dans Auf Wieder... Sehen. Sehen. S-E-H-E-N. Oui. Auf Wiedersehen. Sehen, voir, et gehen, aller. Il n'y a qu'une lettre de différence entre voir, sehen, et aller, gehen. Nous allons, se dira... Wir gehen. Wir gehen. Et vous allez? Sie gehen. Sie gehen. Allez-vous? Gehen Sie. Bien. Gehen Sie. Et maintenant, je vais. Ich gehe. Ich gehe. Encore une fois. Ich gehe. Ich gehe. Et comment diriez-vous je vois? En français, il n'y a qu'une lettre de différence avec je vais. Eh bien, en allemand, c'est pareil. Il n'y a qu'une lettre de différence entre ich gehe et je vois qui se dit Ich sehe. Ich sehe, je vois. Et ich gehe, je vais. Bien. Et que voulez-vous voir? Was wollen Sie sehen?